L'affaire du coffret. 59e. انتظرنا جميعا النهاية على أمل أن لا يكون لا جون بيير ولا غوني متورطين. حانت ساعة الذهاب لملاقاة المحقق جانا لمعرفة التطورات الطارئة على الخطة. Bon, nous avons reçu un appel de notre collègue, commissaire Magne, spécialiste du réseau Sud. Il parle d'un antiquaire parisien. Un antiquaire ? Soupçonné de vol ? On écoute d'abord Monsieur Favre, et on parlera après. Jeannin, c'est Magne, Charles Magne à Milan. J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien. Excusez-moi, je ne comprends pas. Une arrestation ? Oui, arrêté par la police. Tu comprends ? Ah, فهمت. اعتقلوا إيطاليين وخبير تحف باريسي. René ? J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien. Mais pas de coffret. Faites attention à Marseille. Pas de coffret. Donc, eux, ils n'ont pas volé. Étienne, appelez quand même votre ami René. René. Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire. Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt. René, antiquaire et brocanteur, ça fait beaucoup. Cette affaire, c'est 5% pour nous. On a dit 20 000 euros au papa Mus. 30 000 ? Mais Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi, tu connais du monde là-bas ? Le réseau Sud et les affaires de René, je suis inquiet. Étienne, appelez quand même votre ami René. Je vous donne la ligne spéciale. Il en sait peut-être plus que... On vous enregistre. D'accord. Musiba. Meskine, Étienne. René, صديقه المفضل. Allô ? René ? Étienne, ça va ? René, où es-tu ? Je suis encore à Milan. Les Pianotti ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté. Et aujourd'hui, je les vois pour une autre affaire. Fais attention, gamin. Mais oui. Écoute, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Ciao. René, إما ساذج أو بريء تماماً. على كل حال يبدو متحمسا جدا من اجل صفقته. Les Pianotti ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté. وجدوا اغراضا. لكن je leur en ai acheté. لحظة. Il a acheté des objets aux Pianotti. Il leur a acheté des objets. Il leur en a acheté. اشترى لهم الاغراض. معقدة هذه الضمائر. Bon, cet antiquaire parisien, ce n'est pas René Dubonpré. René n'est pas un voleur. Je l'espère. هذا صحيح. لا يبدو على روني أنه لص. لكن جانا ليس متأكدا تماما. Faites attention à Marseille. على كل حال هنا في مارسيليا هذا لن يغير شيئا من خطتنا. À suivre.